propre de la banlieue, c'est qu'on la reconnaît. Chic ou sans problème, elle rassemble des pavillons ou de jolies maisons plus cossues et des immeubles d'habitation sans prétention, ce qui encadre des espaces verts rares et ratatinés. Parfois, le pire y côtoie le meilleur. À Bagneux, par exemple, en banlieue parisienne, le quartier Tertre-Cuvron est un quartier difficile, réputé pour être une plaque tournante de la drogue, où les habitants ont peur de parler et de vivre. Fais gaffe avec qui tu traînes, méfie-toi des putes et des bâtards. Sors le cig du holster, ferme ma bouche quand il faut se taire. Et le système est équilatéral, frère. Tu vas craindre pour nos incarcérés, que Brahms lève le doigt pour tous les PD. Circule mes l'œil louche, vacarme mes grosses cartouches, que les traites écoutent et se touchent. Armerie, fisson, des grosses bagarres depuis l'invention de la cohésion. Musique d'enculé, ramasse ce qui reste et va te faire baiser. Sortez les mouchoirs, messieurs, il y a trop de larmes et nos armes sont sous les yeux. Les doigts sur la détente à 6h du sber. Quand ça bouge l'ami. 92 petits pour nos soldats. Ibrahim a Dieu donné pour tous ceux qui se tapent. Et les putes restent des putes. Et les bâtards restent des bâtards. À nos bonhommes qui sont en prison. Tiens bon, Ibrahim. Laisse-nous vivre notre putain de merde. Les imitateurs dans la vérité se perdent. À force de traîner avec des vendus, on ne sait que faire à part couper les mains tendues. Devant tu vois ma huc, derrière tu vois mon huc. J'arrive, me bats, faut que tu comprennes le truc. Dans la cité, la triste réalité, tu y es. À force de déception, on devient sans pitié. La pauvreté, ce n'est pas héréditaire. La recherche de thunes rendra heureuse ou fera pleurer ta mère. Ça dépend comment tu t'y prends. Les études ou dîner dans le 92 département. Ils en ont plus de morale, c'est la merde, t'as été prévenu. Donc aujourd'hui, pourquoi tu râles? Tu sais, ma moitié a été enfermée. Ma haine est au courant, ma personne l'a alertée. Personne d'exemplaire, possède le flair, le savoir-faire. Nique sa mère, mon bras reste en l'air. Les MC savent que c'en est trop. Dans le rap, j'balaye tous ceux qui sentent grand ou chaud. Un minimum de jugeote, moi si t'emmerdes, c'est que bouffon. J'te considère comme mes chiottes. On tourne pas autour du pot. Aller-retour au comico, c'est la crime ici, comme dans mon frigo. Y'a rien à grailler. Je veux me barrer, vu qu'ailleurs est la vérité. Je veux pas finir dans la stupidité. Ma tête on a vu défiler, des litrons des tonnes. Plus t'en grire, donne ton cul, joue pas ta bouffonne. Je suis arrivé dans le rap, y'a plus petit, y'a plus grand. Tu sais qui t'écoute là, évidemment c'est sultan. Comme une bête de dev, on me vole à l'arrière-train. Avec mon flow, je me vide dans ce morceau, pas de refrain. On t'entraîne, on t'engraine. Tant mieux pour toi si tu traînes. Viens pécho dans les hautes scènes. Holster pour toujours, Inch'Allah. Je remercie Allah de mon vécu, Mashallah. Voici une lyrical évacuation. Pour tous mes ennemis, un morceau éjaculation. Un seul homme mal poli, rien à foutre, t'as vu. Moi je pénètre tous les trous, les oreilles, le cul. Et oui, encore une fois, comment rien. Champion du hardcore, que peux-tu faire? Bien sûr que rien. J'arrache tout sur l'instru, c'est ma route. Reviens plus tard, y'a encore de la bétadine sur tes croûtes. En mode crime dans ma ville, Bagneux. Après les périodes sombres, faut apprendre à sentir mieux. Moi j'ai trop donné mon cœur auparavant. Aujourd'hui réservé à la famille, au pire attends. Je me répète mais l'argent sale on connaît. Tiens bon Ibrahim, bien dit Dieu donné. Pour tout niquer, As a mis en moi les coordonnées. Exécute ce que je vais t'ordonner. J'ai trop d'inspiration, comme l'a été Adriano dans une surface de réparation. Je vais pas choquer, il de France violent soit protégé. Comme un gardien de hockey. Les rappeurs qui se la racontent, moi je les baise. Les laisse en prothèse vu que je rime à l'aise. Que peux-tu faire, le destin t'y peut rien. T'as ta vie entre tes mains, sens de rail avant l'enfer. Mais comme on dit, le mal est fait. Tant mieux pour toi si comme Renault tu prends un rail de coke et un café. On fait flipper, nous les rebeux renois. Viens dans nos quartiers, c'est le monde des Guaoul, des Déjava. On a le seum, on est énervé, on est blase. Les boucaves, t'inquiète, on a les places. Bête d'équipe, j'attends toujours le jour où Coyote niquera le bip, bip. En attendant, si tu me bips, ça sert à rien, je te le dis. Je reste ghetto sans tragédie. Cuve tard de terre, l'état bientôt sera notre serpillière. Le rap, j'y suis pas arrivé hier. Regarde, le monde il est chelou, il est seum. Regarde, y'a des gars qui pinent avec leur daron. Intolérant vers les homos et les traves. Comme moi tu passes pas en boîte, viens danser dans la cave. Des brouillards avec mes propres moyens. C'est fou, tes cinq doigts peuvent te faire du bien. Dans mon secteur, les gars ne cessent de tomber. À la maison d'arrêter aux scènes, ouais, mais bâtiment B. J'en vis personne dans le rap, vive. Jay-Z débarque, MJ convoque une cellule de crise. J'prends de l'avance, MC t'as pas idée. Comme un R1 face à un scooter débridé. La routine en mode crime pour Ibrahim. Toutes les cités de Bagneux, délinquants dans toutes les disciplines. Sultan. De toute façon vous avez rien, vous avez rien. Vas-y, le 92 et ça pue la poudre à canon. Cuftard et terre, ma couille et des gros bifetons. À la baie, tu pécages, PD. Amène de quoi nous mettre bien, BGX, tiens. Des douilles et des empreintes, des traces de bécane et des grosses enceintes. La pierre et tu flippes, des vents, je perds et tu calques vite. Territoire occupé, des gyrophares, du bleu et du danger. Maglite, et tu comprends vite. Éclaire la cave, j'ai caché Monsieur Smith. Nique la police, des slogans sur les murs. Des photos, des dossiers, des couvertures. On sait que t'es là, flic, souris, on est tous flashés. Inspecteur, je n'ai rien fait, que les personnes, juste des boucles, des textes sales et madame la patronne. De toute façon, vous avez rien. De toute façon, je lâche les riens. Vous avez rien contre moi et puis je dirai rien. Cubstar, BGE, Cubstar, 92. Armure et musique.